Nous avons un silencieux autour de nous, c'est qui pense qu'ils sont deux du groupe à jouer dans leur style. Do you think that the main group plays like the Jesus and Mary Chain, or do you think they are the own? Sorry, do you think you are playing the same style? La communication gère une communication. Paradox.